Chapitre 4. Ève était étendue sur un sofa, pâle, immobile et les yeux fermés. Sa beauté semblait s'être augmentée de sa pâleur. Elle était vêtue d'une robe blanche. On éprouvait, en la voyant, un sentiment de tristesse mêlé d'admiration. Elle vous prenait tout à la fois par les yeux et par le cœur. Le demi-jour qui régnait dans le salon ajoutait encore à la solennité du tableau et à sa grâce mélancolique. À côté d'Ève se tenait la maréchale. À ses pieds, une belle jeune fille, près d'une table, à quelques pas, et affublée d'une grosse perruque blonde qui lui cachait tout le haut du visage, un homme vêtu de noir écrivait. Adam frissonna involontairement. La maréchale, qui avait jusqu'à ce moment jugé convenable de ne pas s'apercevoir de la présence du duc, leva la tête comme par hasard, et en le voyant, elle laissa échapper un cri de surprise, si admirablement naturel, qu'Adam fit un pas en arrière. « Vous ici, monsieur ?» lui dit-elle. « Quoi ? Après ce qui s'est passé, vous avez l'effronterie d'emprunter le nom d'un autre pour pénétrer dans cette maison ?» Ève ouvrit les yeux, adressa à la maréchale un regard qui semblait la supplier de se taire, puis elle sourit tristement à Adam. Adam courut à elle. « Madame la marquise, » dit gravement l'homme en noir, qui n'avait pas parlé encore, « n'avez-vous rien oublié ?» Ève parut se recueillir, puis d'une voix presque éteinte, elle répondit. « Ajoutez, monsieur le notaire, que j'institue le duc de Mornay. » Elle s'arrêta comme épuisée et reprit bientôt avec un sérieux qui eût imposé aux plus incrédules « Que j'institue le duc de Mornay mon légataire universel. »« Qu'entends-je ? » s'écria le duc surpris et épouvanté. « Écrivez, monsieur, » dit madame de Pontchartrain en accompagnant ses mots d'un geste dont la solennité eût fait honneur à une comédienne vieillie sur les planches. La maréchale apprit par un rapide coup d'œil à la marquise qu'elle était satisfaite d'elle. « Quoi ? » dit Adam Ève. « Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez reçu en partage tous les biens de ce monde et vous songez à mourir ?» Un sourd gémissement l'interrompit. Il se retourna et il aperçut à sa droite la belle jeune fille qui cachait son visage dans ses mains avec les signes de la plus vive douleur. Dans le même moment, un sanglot déchirant se fit entendre du côté gauche. C'était Madame d'Albincourt qui fondait ou qui paraissait fondre en larmes. « Mais qu'y a-t-il ? Que s'est-il donc passé ? » reprit Adam en reportant tour à tour ses regards de la jeune fille sur la maréchale et de la maréchale sur la perruque blonde du notaire. « Ce qu'il y a ?» répéta Madame d'Alvincourt, dont les sanglots s'arrêtèrent comme par enchantement. « Vous demandez ce qu'il y a ?»« De grâce, achevez !» reprit le duc. La marquise avait refermé les yeux. « Eh bien, regardez sur cette table !» répondit la maréchale avec un sang-froid prodigieux. « Après, après !» Voyez-vous ce flacon ? Sans doute. Et vous ne devinez pas. Quoi ? Vous ne soupçonnez pas. Mais que contient-il ? Du poison. Du poison ? S'écria le duc en reculant. C'est-à-dire qu'il n'en contient plus, reprit tragiquement la maréchale. Comprenez-vous maintenant ? Ève, à cette déclaration, faillit perdre sa gravité. Grand Dieu ! S'écria Adam, abusé par l'accent de la maréchale. Il se pourrait. Oh, mais non, vous vous jouez de moi, vous voulez m'effrayer. Mais oui, continua-t-il, cette lettre qui m'annonçait qu'Ève était à toute extrémité, sa pâleur, sa faiblesse, vos larmes, l'appareil sinistre de ce salon, tout jusqu'à la figure de ce notaire. Oh, s'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à mourir. Et rapide comme l'éclair, il s'élança sur le flacon. La belle jeune fille poussa un cri. Ève se dressa à moitié sur son séant. Le notaire haussa sa perruque pour mieux voir. « Malheureux !» dit la maréchale en arrachant théâtralement le flacon des mains d'Adam. « Quel est votre dessein ? Si votre mort devait prolonger la vie de cette chère enfant, à la bonne heure ? Ah, vivez » continua-t-elle d'un accent de pythonise sur son trépied. « Vivez ! Et puissiez-vous, perfide, avoir sans cesse présente au regard l'image de cette pauvre victime de votre trahison ? Puisse votre odieuse comtesse vous rendre le plus infortuné des maris ? Puisse sa coquetterie ne vous laisser aucun instant de repos ? Puissent ces galants vous épouvanter tout le jour, la nuit vous apparaître dans votre sommeil, et les enfants, dont vous vous croirez le père, être laids, difformes, poltrons et dissipateurs. Puissiez-vous enfin jouer de la cour et de la ville, là de votre femme, rougissant de vos prétendus enfants, vouloir les déshériter tous, plaider sans relâche avec les uns et les autres, et colporter le scandale de votre maison de tribunal en tribunal, et pleurant l'ange que votre abandon aura conduit au tombeau avant l'âge, mourir de rage en perdant tous vos procès. le duc, étourdi par cette improvisation burlesque imitée d'une imprécation célèbre, demeura muet un moment. La belle jeune fille se mordit les lèvres pour ne point rire, le notaire abaissa vivement sa perruque sur ses yeux. La marquise tourna prudemment la tête du côté du mur, elle étouffait. La maréchale, émerveillée de l'effet qu'elle avait produit, semblait se draper dans son triomphe. « Ève, ma chère Ève, dit le duc en tombant aux genoux de madame de Pontchartrain, je ne veux pas que vous mouriez, non, je ne le veux pas. Devant le danger qui menace votre vie, mon amour se réveille. Oui, je me repens de mon crime, oui, je vous aime, oui, je n'aimerai jamais que vous. Ève, soyez grande, soyez noble, soyez généreuse, ne me condamnez pas à tendre les bras à chaque instant du jour à un vain fantôme, à une ombre fugitive. Ève, mon cœur me le dit, il est temps encore, consentez à vivre, et je jure ici de vous rendre si heureuse qu'avant un mois, la comtesse de Nangis en mourra de désespoir et de jalousie. » Le duc de Mornay, ayant achevé ces mots, se leva et se précipita vers la porte. « Où courez-vous ? » lui demanda la maréchale en lui barrant le passage. « Cherchez du contrepoison, » répondit Adam. « Il est trop tard, » reprit madame d'Alvincourt d'une voix sépulcrale. « Comment cela ? Venez par ici. » « Bien. Que voyez-vous sur cette étagère ?»« Un flacon semblable à celui qui est sur la table. Et que contient-il »« Il est vide, morbleu !» répliqua le duc impatienté. « Eh bien, il y a une heure encore, il contenait du contrepoison. » Adam regarda la maréchale avec des yeux effarés, puis il se laissa tomber sur un fauteuil. Il se fit un silence de plusieurs minutes. Le duc le rompit. « Ève !» s'écria-t-il en s'élançant vers madame de Pontchartrain. « Ève !» puisque je dois, hélas, renoncer à l'espoir de vous conserver, Ève, avant de quitter ce monde, que mon amour aurait transformé en paradis pour vous, Ève, au moment d'une séparation qui ne sera que passagère. Mon repentir et mes larmes ne trouveront-ils point grâce devant vous? Oh, rien qu'un mot, dites-moi que vous me pardonnez, je vous le demande à main jointe. » La marquise semblait réfléchir. « Oh, je le vois bien. » continua le duc avec un accent de reproche. « Vous doutez de ma sincérité. Mais que faut-il faire, mon Dieu, pour vous convaincre? Quelle preuve voulez-vous que je vous donne de mon repentir et de mon amour? Quel sacrifice exigez-vous? Parlez, parlez !» Ève se pencha sur la maréchale et prononça quelques mots à voix basse. « Eh bien ? » dit le duc tout palpitant à madame d'Alvincourt. « Ainsi vous êtes prêt à vous soumettre à tout ce qu'elle exigera ? » lui répondit la maréchale en le regardant dans les yeux. « À tout !» interrompit Adam avec feu. « Approchez !» dit madame d'Alvincourt à l'homme à la perruque blonde. Celui-ci s'approcha. « Prenez une plume et du papier !» Le notaire prit du papier et une plume. « Maintenant, » poursuivit le maréchal, « dressez un contrat de mariage !» Adam écoutait et regardait. Le marquis s'était soulevé légèrement sur son oreiller. « C'est fait, madame la maréchale !» dit le notaire en lui remettant un papier écrit qu'elle lut et signa. C'était son contrat de mariage avec le duc. Quand elle eut achevé, elle se tourna vers Adam. « Veuillez mettre votre nom au bas de ce contrat, » lui dit-elle. « Hein ? » s'écria ce dernier en bondissant. « Veuillez mettre votre nom au bas de ce contrat, » répéta froidement la maréchale. « Mais, » fit le duc, « aimez-vous Ève, oui ou non ? » interrompit sèchement madame d'Alvincourt. « Plus que ma vie. « Eh bien, soumettez-vous alors à ce qu'elle désire. » « L'unique preuve qu'elle exige de l'amour que vous lui portez, c'est que vous m'épousiez. Épousez-moi !» Tout cela fut dit avec un sérieux étourdissant. « Je ne comprends pas, » répondit le duc pétrifié. « Comment ? Vous ne comprenez pas qu'à la veille de vous dire un adieu éternel ?» reprit la maréchale. « C'est une consolation pour Ève d'avoir la certitude que vous ne pourrez vous marier avec une odieuse rivale qu'en devenant bigame. Allez, monsieur, allez, vous êtes indigne de l'amour d'un pareil ange !» Là-dessus, madame d'Alvincourt tourna le dos au duc. La belle jeune fille se mordit de nouveau les lèvres. Le notaire descendit un peu plus bas sa perruque sur ses yeux. Ève regardait Adam en dessous. « Quoi ? Il serait vrai ? » dit le duc à madame de Pontchartrain. « Vous voulez ?» Elle répondit par un signe de tête affirmatif. Adam frissonna, passa plusieurs reprises la main dans ses cheveux, poussa 5 ou 6 soupirs et s'approchant de l'homme à la perruque blonde. « Monsieur !» lui dit-il, « prêtez-moi votre plume. » Puis il leva les yeux au ciel et il signa. À peine eut-il signé qu'Ève s'élança avec la légèreté d'un oiseau à bas du sofa et s'offrit au regard du duc paré de tout l'éclat de sa fraîcheur, de sa jeunesse et de sa beauté. Adam jeta un cri. La maréchale, la jeune fille et le notaire partirent à la fois d'un fol éclat de rire. « Qu'entends-je ? Que signifie ? Dit le duc, qui croyait rêver. Cela signifie que tout ce que vous venez de voir n'était qu'une comédie, monseigneur, interrompit le notaire en se débarrassant de son énorme perruque blonde. Quoi ? Drôle, c'était toi ? Dit Adam, en reconnaissant le cocher de Madame d'Alvincourt dans la personne du prétendu tabellion. Comment nous avez-vous trouvé dans nos rôles, monsieur le duc ? Demanda la belle jeune fille, qui n'était autre que Rosette, la camériste de la maréchale, en faisant ironiquement la révérence à monsieur de Mornay. Convenez, mauvais sujet, que vous avez eu bien peur de m'épouser, ajouta en riant Madame d'Alvincourt. J'en tremble encore, répondit joyeusement Adam. Étendant avec grâce sa main à Ève, qui depuis quelques instants était toute rêveuse, il ajouta. Mais heureusement, j'en serai quitte pour la peur. Un mois plus tard, la comtesse Amaran de Nangis, furieuse d'avoir vu Adam lui échapper, se mariait avec le chevalier de Lauragais, qui la rendit fort malheureuse. La chronique d'alors prétendit qu'elle s'en vengea. En jolie femme. Ainsi s'achève Adam et Ève par Alphonse Brault.